Les forges présentées au musée des temps barbares sont une reconstitution de forges ayant existé à quelques kilomètres de là, à Goudelancourt et Pierrepont. Les forges sont attestées depuis l'époque gallo-romaine et mérovingienne, les 6 et 7e siècles. Ces petites unités appartenaient à un forgeron pour travailler le fer, le bronze, le cuivre, l'étain et le plomb. La production d'armes, bijoux, d'objets utilitaires ou d'objets décoratifs était destinée au marché local.